avril se rendre au bureau de renseignement situé dans le grand couloir transversal. Initiative. They are being deployed steadily. They cannot be wished away.